Jean-Cy Mayasi, Forza Italia. Ah ouais. Jean-Cy Mayasi, talandenge na chelo boko na lita ma chérie. Est-ce qu'on continue pour salanga lisusuli kambango? Pour décider na kende on se alilita. Na bolingo na yo. Jean-Cy Mayasi, talandenge na chelo boko na lita ma chérie. Est-ce qu'on continue pour salanga lisusuli kambango? Pour décider na kende on se alilita. Na bolingo na yo. Cabana, Claude Nzimbula, la tour. Déception, yeah. Serge Dianze, de Bamako. Serge Dianzenza. Bienvenue dans 5, les rassembleurs. Junior, Foulankanda. Finition, Ezala Kamala Moupo. Morgan l'italien, déception. Dani et Constant Mayasi. Louis Yambilo Nzanga, Chachi Mwamba, Fataki Mayam, Gaetan Sanduku, Belito Miranda, première classe. Alino Sene, Chipe Batiki, La Lyon, Roger Lubaki, Torino, Bifle Bifalo, Moussombo. Mama Yasi, Suzanze, Kolanzanga, c'est Mama Yasi, Monte Maya, Jean-Cy Mayasi. Love, c'est l'amour que oh. De l'amour. Jean-Cy. Tatiana Fulakanda, Odon Bilala, Mireille Fulakanda, Suisse-Irlande, Mukeza Gianze, Sagesse Africaine, Irène Kindou, Florette Kifoudou, Linda Ngoma Arobaz, Siza Sukama, Pamela Kabasele, la battante, Citra Matutezele, Didier Petit, Mama, Boulas Boulenga, Francis Kabasele. Alain Pemba, Esaï, Jisei Miyake, le rebelle de la sable. Bongaïno, Tata Komu Mamu, Alino Motomonene, Maika Munan, Mukubwe, Jacques Mawanda, Bile Koke, fiancé Kambe.